Bon. Mes amis, bordel, c'est beau de vous voir. Ah ouais, quand je suis tout juste sorti de la douche avec... Ah, regardez l'eau qui perle encore sur mon torse nu d'homme libre. Ah, figurez-vous que ce matin, j'étais tranquillement chez moi en train de traire une amie quand j'entends crier... Coucou Helmut, je viens pour le début de la canicule, je viens prendre des cadavres. C'était mon cousin Olaf, le bouffeur de mort. Quelle poisse! D'habitude, je fais tout pour l'éviter, cet énergumène. Quand il appelle pour demander s'il peut venir me voir, je trouve toujours une excuse. Je lui dis que soit le moment est mal choisi parce que mon appartement est en feu, soit ma femme a une fuite de gaz, soit ma concierge portugaise fait le ramadan, etc., etc. Oh, une fois, j'ai même craqué. Je lui dis que j'étais mort. Oh le bordel! Dans la minute qui a suivi, ma mère a appelé, elle m'a demandé « Helmut, c'est vrai que t'es mort ?»« Eh non, maman, c'est pas vrai. »« Ah non, t'es sûr, t'es pas mort ?» Je disais oui pendant que Olaf était là, il disait « Oui, mais tu as dit à ta mère que... » Non, etc. Bref, le bordel. Ce salopio n'avait pas appelé. Il s'est carrément pointé cette fois. Ce qui est gênant, c'est que de mon village natal, on vit de façon... comment dire... un peu différente d'ici. Par exemple, on se fait pas la bise sur la joue entre les garçons et les filles. On se serre pas la main ou... quand on se connaît bien, on se griffe le cul. Du coup, quand ma voisine Mireille, une adorable petite vienne de 92 ans, s'est venue pour prendre son petit schnapps quotidien, ça a dérapé. Je l'ai présenté à Gunther, non, je l'ai présenté à Olaf. J'ai dit « Mireille, c'est mon cousin », et puis j'ai pas fait gaffe. Elle s'est approchée de lui, elle a dit « Olaf, mon Dieu, comme j'ai un joli prénom, je vous fais un petit bisou ». Elle lui a claqué un béco sur la joue et hop, c'était trop tard. Le Olaf, il a pris ça pour des avances, il lui a sauté dessus. Oh, quelle boucherie. J'espère qu'elle est pas enceinte. Pareil, quand Zouzou, qui est chez moi pour la semaine, là, après la gay partie, est sorti de sa chambre pour rincer sa sonde, quand il a vu Olaf, il s'est carrément évanoui. Il a fait « Oh, quel est mignon, c'est à qui ce petit barbare avec le short de cuir ?» C'est Olaf, mon cousin. Olaf, je te présente Zouzou, un ami pédé. Comme le Zouzou, il est en peignoir léopard et en perruque Evelyne Delia, le Olaf, il est devenu super nerveux. Et quand Zouzou, il lui a dit « Coucou, toi, tu sais, j'ai les fesses douces, allez, on se fait un petit béco. » Je vous raconte pas le carnage. Non, oh, j'espère qu'il est pas enceinte non plus. Oh, c'est infernal. Olaf, il est là pour ramasser les morts de la canicule. Ça veut dire au moins 2 mois de présence à Paris. Du coup, je l'ai installé chez Mireille, la vieille de 92 ans. J'espère qu'ils vont pas faire de petits. Allez, au revoir.